On passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier. Dans les tensions, je fume, je suis à deux tensions. Y'a des tensions, trop de vrai en détention. Et dans le son, je suis comme un poisson qui évite l'hameçon. Il voit un bon garçon, mais je cache ma bulle au piège, l'enfant. Chacun son dieu, chacun son but, chacun sa cute, chacun sa pute, chacun sa mère, sa répute, on est des adultes. Je ne suis pas dieu, je ne suis pas Hulk. Tu peux me voir au quartier, tu peux me voir au zénith. Monde à Sosso, tu peux me croiser en zénith. Chez nous, on va arrêter, mon dernier mois est taré. Je prends que des fonds de taré, les fait vibrer jusqu'à Paris. C'est l'hiver, il fait froid, j'ai trop la flemme de sortir ma moto. Je profite comme si c'est une loque, j'ai les sièges chauffants dans l'auto. Dédicace Neti, Brice, Amédi, Ristico et Daho. Et demande à Moubzer et Asdin, tu vas finir sur le carreau. Y'a pas de move, y'a body, ça fait pas toc toc de Marseille à Paris. Si elle passe le balai, je la garde pour moi et où je vais m'embellir. Y'a plus de sous à la casa, je sors dehors et je commets un délit, ça c'est mon délire. Moi je fume de la patate, de la beuh à la fraise qui met des claques, c'est ça qui fait guérir. Polia quand vous rosez, parle pas le pré gros, tu sens du gosier. Kala kala, j'ai une calage, t'as vu ma ganache, vous trouvez kala kala, j'avais qui caille pour me cacher. On passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier. On pense à se partir, on pense à se partir. Viens voir vers chez moi ça tue, viens voir vers chez moi ça tue. Bébé te fout pas vers ça tue, vers ça tue, vers ça tue, vers ça tue. On passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier. On passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier. Nika et sa mère, ça joue aux cartes et les cifs se ramènent. 1-3-5, grosse équipe de tarifs. Tu connais les tarots pour du liquide mon taros. Ton équipe pour toi elle bouge pas. Tu nous invites et rester bouche bée. Tu nous invites et rester bouche bée. A la fuite bon placement, chant des placements, veut des billets couler avec ton placement. Fais pas l'enjeu qu'en perforer les petits ils vont te perforer. Démarquer des putes, on va marquer des buts et puis marquer l'époque. Ça trahit pour des putes, ça trahit pour des thunes, et oui c'est ça les potes. Ils me font tous plein de manières, veulent me voir finir en galère. Je me les gèle au quartier d'hiver, fuck les bananes et au divers. On insulte la bac et on se barre, j'attends juste comme l'hiver. Je vais péter la tête dans un bar, je m'en vais parce que je vois trop de choses bizarres. Je tourne en rang comme pulsar et puis le soir quand on filme on devient impulsif. Mais moi je me sens mieux, ça m'a rendu plus speed. On passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier. On pense à se partir, on pense à se partir. Viens voir vers chez moi ça tue, viens voir vers chez moi ça tue. Club de foot pas vers ça tue, vers ça tue, vers ça tue, vers ça tue. On passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier. On passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier. Avec lui c'est dit, on a connu la merde, on a connu la merde. Et une putain de goût amer. A partir d'aujourd'hui c'est chacun sa mère. Laisse-moi le temps de me poser. Je suis avec les refs, là je vais tout exploser. Tant qu'il t'a causé. Espèce de salope, le 17 décomposé. Sirop de présent rosé. L'hiver à la tête, j'ai galéré sa mère. J'ai dormi dans la caisse et voilà pour mettre ma pèse. Je rappelle, je m'en bats les couilles, ça plaise. Chargé si tu pratiques l'anglaise. On se lève tout pour prendre de vitesse, toi qui se lève tard. Faut tout niquer, faire le zoo pour tout ce rouge tard. On attend pas le 14 pour sortir le pétard. Fais gaffe à tes fesses, c'est rapidement que le coup part. C'est dans ma maman, pas la juge qu'on devient tout pas. Sache que tout se fait. Des jours où l'autre chacun nous se barre. Trop de faux frères donc on se perd. Trop de problèmes donc on sert. Aujourd'hui qui m'échappe. Quartier au dôme, TB en concert. Ouais l'instru je l'ai pensé. Qu'est-ce que t'as frère t'es coincé. Ça t'a fait gros glisser. Raconte pas tes odyssées. Ça fait le max magin, ça va glisser. Il fait le king dans la jungle, vas-y dis-y, ouais dis-y. Qui nous fait pas le messie. Des fois j'gamberge, ouais j'suis un dici. Pour certains ça sent le roussi. Ce coup-ci je peux pas être plus précis. On passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier, on passe l'hiver au quartier.